Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. We'll be right back. Je sais pas. Ça a l'air d'aller mieux. Il y a un conflit entre la carte son du l'ordinateur portable et la carte son USB. C'est toujours des conflits dans les ordinateurs. Je